Chapitre 6. Camille Monistrol, brisée par la fatigue et par les émotions, se leva fort tard après ses tenues accidentées, qui pour elle avait failli ne pas avoir de lendemain. Brigitte, qu'elle avait dû réveiller à 2 heures du matin pour l'envoyer payer le fiacre, s'était abstenue de la questionner sur ses aventures, et même de lui demander pourquoi Courapier et Georget ne rentraient pas avec elle. Brigitte ne regrettait pas leur absence, et se félicitait surtout d'être débarrassée de Vigoureux, l'horrible dogue qui menaçait de tout dévorer, les provisions et les gens. Elle espérait aussi que sa jeune maîtresse allait renoncer à ses chimériques projets de vengeance, et qu'elle ne recommencerait plus à courir les rues en mauvaise compagnie, à des heures indues. Camille, après avoir dormi, ne prit pas la peine de détromper sa brave nourrice, qui ne pouvait ni l'aider de sa personne, ni même de lui donner un bon conseil dans le mortel embarras où elle se trouvait, depuis les graves événements de la nuit. Encore moins pouvait-elle confier à Brigitte qu'un homme occupait maintenant sa pensée, qu'elle n'espérait plus qu'en lui et qu'elle l'attendait avec impatience. Camille en était là. Il lui tardait de recevoir le courageux défenseur qui, au péril de sa vie, l'avait arraché des mains de 2 abominables bandits. Elle lui devait plus que la vie. Elle lui devait d'avoir échappé au sort infâme que ces misérables lui réservaient. Et elle avait à peine eu le temps de lui exprimer sa reconnaissance. Il s'était dérobé à ses remerciements avec une modestie qui ajoutait encore au prix du service rendu. Il avait promis de venir au boulevard Voltaire prendre des nouvelles de sa protégée. Mais tiendrait-il sa promesse? Camille en doutait presque. Elle se disait qu'un homme du monde se fait un devoir de secourir une jeune fille attaquée par des scélérats, dans une plaine déserte, mais qu'il ne se croit pas tenu pour cela de rester en relation avec cette jeune fille rencontrée par hasard. Et ce sauveur était évidemment un homme du monde, du meilleur monde même. Le nom qu'il portait, sa tournure, sa figure, ses façons distinguées, indiquaient assez qu'il appartenait à l'aristocratie de naissance. Pourquoi aurait-il donné suite à une aventure bizarre, qui sortait évidemment de son genre de vie habituel? Le peu que Camille lui avait dit de sa situation personnelle et de son expédition, à la recherche d'un assassin, n'était pas fait pour engager un élégant gentleman, à lui continuer sa protection, et encore moins à la seconder dans son entreprise. Ils sont rares les gens disposés à se faire agent de police pour obliger une femme. Et cependant, mademoiselle Monistrol ne pouvait avoir recours qu'à ce jeune homme, pour tâcher de retrouver non seulement l'odieux Zigzag, mais encore et surtout Courapier et son fils, qui venaient de payer si cher leur dévouement. Étaient-ils morts ou avaient-ils survécu à leur terrible chute? Quoi qu'il en fût, Camille ne pouvait pas les abandonner. Elle se reprochait déjà d'avoir suivi les avis de M. Menestreau, qui lui conseillait de rentrer chez elle, et de ne pas s'exposer à partager le sort de ses malheureux auxiliaires, en retournant cette nuit-là à la maison maudite. Il avait eu 100 fois raison de l'empêcher de courir à sa perte, mais il ne l'empêcherait certainement pas de tenter l'aventure dans des conditions plus favorables, à la clarté du jour et avec des armes plus sérieuses qu'un pistolet de poche, avec un ami surtout, un ami brave et sensé, qui ne reculerait pas devant un danger, mais qui ne se risquerait qu'à bon escient. Et cet ami ne pouvait être que le même monsieur de Menestreau. Camille ne voyait que lui, qui fut en état de remplir ce rôle difficile et périlleux. S'il ne venait pas, elle n'avait plus qu'à s'adresser à cette police dont elle avait eu si peu à se louer après la mort de son père, et qui ne lui inspirait plus la moindre confiance. Elle reprit en se levant ses habits de deuil, et Brigitte la fit déjeuner sans parvenir à la distraire des sombres préoccupations qui l'assiégeaient. Camille comptait les heures et se promettait de ne pas attendre indéfiniment. Elle ne tenait plus en place, et pour tromper son impatience, elle descendit dans ce qu'elle appelait son jardin, c'est-à-dire dans l'enclos qui entourait la maisonnette. Elle y cultivait quelques plates-bandes où elle avait semé des graines, qui commençaient à pousser et qu'elle ne manquait pas d'arroser matin et soir. Elle allait s'y mettre lorsque le bruit d'une voiture qui s'arrêtait la fit tressaillir. Elle tourna vivement la tête. Et au lieu de celui qu'elle attendait, elle vit descendre d'un joli coupé Madame Gémozac et son fils. Ils ne pouvaient pas arriver plus mal à propos, mais il n'était plus temps de les éviter. Et Camille vint à leur rencontre. Julien la salua et Madame Gémozac l'embrassa sur les 2 joues, en lui disant du ton le plus affectueux « Je viens vous chercher, ma chère enfant, puisque vous ne venez pas nous voir. On ne parle que de vous à la maison, et mon mari m'aurait accompagné si sa journée n'était pas prise par les affaires. » Julien, qui n'est pas dans le même cas, a voulu absolument venir avec moi. Camille balbutia quelques mots de remerciement, mais on voyait bien que son esprit était ailleurs. « Comment avez-vous passé votre temps hier, après nous avoir quittés ? » continua Madame Gémozac. « J'ai eu grand tort de vous laisser seule dans cette maison, qui ne vous rappelle que de tristes souvenirs. Et en vérité, je suis obligée d'insister pour que vous la quittiez le plus tôt possible. Nous vous aimons tous, et j'espère que vous vous considérez comme étant de notre famille. Ne vous faites pas le chagrin de vivre si loin de nous. « Je vous suis bien reconnaissante, madame, » murmura la jeune fille, « mais je vous ai dit pourquoi je désire rester comme je suis. J'ai un devoir à remplir, et tant que je n'aurai pas retrouvé le meurtrier de mon père... » « Quoi, vous persistez dans cette idée, ma chère Camille? Mais c'est de la folie, une folie généreuse, j'en conviens. »« Oui, madame, et je n'en changerai jamais. »« Alors, mademoiselle, » dit Julien, « permettez-moi de vous rappeler que vous avez accepté mon concours. »« Je le sais, monsieur, et je ne m'en repens pas. » Mais je dois agir de mon côté, et j'ai maintenant des raisons de croire que je découvrirai ce misérable. Je sais qu'il a renoncé au métier qu'il faisait et qu'il n'a pas quitté Paris. Il est donc impossible qu'il échappe aux recherches, si elles sont bien dirigées. On le reconnaîtra à la forme et à la dimension de ses mains, et je vais commencer par donner aux agents que j'emploierai ce signalement particulier. Je me joindrai à eux, s'il le faut, pour traquer ce misérable. Je vous remercie, monsieur, de vos bonnes intentions. Camille pensait... « Ce n'est pas vous qui retrouverez Zigzag, et le seul homme qui soit capable de le retrouver ne vient pas. » Madame Gémozac ne voulait pas contredire son fils, mais elle trouvait qu'il s'engageait très à la légère, et elle se réservait de lui parler raison lorsqu'elle serait seule avec lui. La visite que cette mère prudente faisait en ce moment à Mademoiselle Monistrol n'était pas seulement une marque d'intérêt qu'elle voulait donner à l'orpheline. Cette visite avait un but. Madame Gémozac s'était fort bien aperçue que son fils était pris, et le matin même, elle l'avait confessé. Julien, qui ne lui cachait rien, n'avait fait aucune difficulté d'avouer que Camille lui inspirait un amour sérieux. Et Madame Gémozac, sans repousser absolument l'idée d'un mariage avec la très riche héritière de l'inventeur Monistrol, jugeait qu'avant de l'approuver, son devoir était de se renseigner sur cette jeune fille qu'elle connaissait à peine. Camille était charmante, mais les Gémozac ne savaient presque rien d'elle. Ils ne l'avaient jamais vue avant la mort de son père. Ils ignoraient comment elle avait vécu et ce qu'elle valait au fond. Les amoureux ne s'inquiètent jamais des détails, mais les mères tiennent à s'informer. Madame Gémozac n'était venue que pour cela, et si elle avait amené son fils, c'est qu'elle se doutait bien qu'il viendrait sans elle et qu'il irait trop loin dès la première entrevue en tête-à-tête. Or, elle n'entendait pas qu'il se déclarât sans son approbation, et elle espérait bien l'empêcher de s'embarquer dans une entreprise extravagante pour plaire à une jeune fille exaltée. En attendant qu'elle pût le chapitrer à loisir, elle commença par détourner la conversation. « Voilà donc la maison que vous ne voulez pas quitter, » dit-elle. « Comment pouvez-vous tenir un si triste séjour ?»« J'y ai toujours vécu, madame, et mon père y est mort, » répondit assez sèchement Mademoiselle Monistrol. « Mais ce n'est pas une habitation convenable pour une jeune fille. Pourquoi, je vous prie ?»« Mais parce que vous y êtes trop isolée. Avez-vous au moins pour vous servir cette femme dont vous me parliez hier ?»« Brigitte, oui, madame, elle est là. » « Voulez-vous la voir? Je vais l'appeler. »« Non, c'est inutile. Montrez-moi plutôt comment vous êtes installée. »« Votre chambre est là-haut, je le sais. Mais je voudrais la revoir, et revoir aussi ce salon, où votre père est mort. Mon fils m'a raconté tout ce qui s'est passé pendant cette horrible nuit. »« Je n'ai pas oublié ce qu'il a fait pour moi, » murmura Camille. « Et moi, mademoiselle, » dit vivement Julien, « je pense que ce que j'ai fait n'est rien en comparaison de ce que je veux faire. Je n'attends qu'un mot de vous pour agir. » « Allons visiter l'intérieur de la maison, » interrompit Madame Gémozac, qui voulait couper court aux offres de service de son fils. « Y tenez-vous beaucoup ?» demanda Mademoiselle Monistrol. « Mais, » répliqua Madame Gémozac, un peu piquée, « je ne suppose pas que vous ayez l'intention de nous recevoir dans cette cour, où tous les passants du boulevard Voltaire peuvent nous voir. J'y suis accoutumée, et comme je n'ai rien à cacher, il m'importe peu qu'on me regarde. « Fort bien, mademoiselle, je comprends que je vous gêne, et il ne me reste plus qu'à me retirer. » « Vous vous méprenez absolument, madame. Si je ne vous propose pas d'entrer, c'est qu'il m'est toujours pénible de traverser la pièce où l'on a assassiné mon père. Mais nous pouvons ne pas nous y arrêter. Il est encore plus simple de rester ici. J'ai d'ailleurs très peu de temps à moi, et je vais prendre congé de vous. Mais lorsqu'il vous plaira de venir me voir, vous serez bien reçu, et mon mari m'a chargé de vous rappeler que sa caisse vous est ouverte. » Camille, blessée au vif, fit un mouvement, qui n'échappa point à Julien. « Il ne s'agit pas de cela, » dit-il vivement. « Vous êtes, mademoiselle, l'associée de mon père, et l'argent que vous toucherez vous appartient. Je voudrais payer de ma personne pour vous servir, et je vous demande en grâce de m'apprendre tout ce que vous savez sur l'homme que vous cherchez. Vous venez d'affirmer qu'il n'a pas quitté Paris. Il y était encore cette nuit. Vous l'avez vu ? Non, mais j'en suis sûr. Vous êtes donc déjà entrée en campagne ? Demanda ironiquement Madame Gémozac. Oui, madame, répondit sans hésiter la jeune fille. Vous n'avez pas perdu de temps à ce que je vois, et il me semble que vous pouvez vous passer du concours de Julien. Je ne l'ai pas sollicité, et si je l'ai accepté, c'est que je suis déjà l'obligé de monsieur votre fils, et qu'il ne m'en coûterait pas de lui devoir encore plus de reconnaissance. Mais je serais désolé qu'il s'exposât pour moi et qu'il risquât sa vie en m'aidant à chercher le meurtrier de mon père. « Je suis prêt !» s'écria Julien. À cette réponse enthousiaste, Madame Gémozac perdit toute mesure. « Tu es fou » dit-elle à son fils. « Je ne souffrirai pas que tu te fasses agent de police pour être agréable à mademoiselle. »« Je suis maître de mes actions, » répondit froidement Julien, « et je dois vous faire observer, ma mère, que le lieu est mal choisi pour discuter sur ce sujet. »« C'est juste, partons. » Tu ne me feras pas, je suppose, le chagrin de me laisser partir seul. Non, ma mère, mais j'espère que mademoiselle Monistrol me permettra de revenir bientôt. Camille s'abstint de répondre. Elle souffrait horriblement, et le zèle maternel de madame Gémozac mettait sa patience à une rude épreuve. Elle ne voulait ni offenser la mère, ni rebuter le fils, mais elle était résolue à ne pas céder, dût-elle s'aliéner à tout jamais la femme du généreux associé de son père, et décourager les bonnes intentions de Julien, qui s'offrait à la servir. « Adieu, mademoiselle, dit madame Gémozac, je regrette de vous avoir dérangée. Vous attendez quelqu'un, sans doute, et il est temps que nous lui cédions la place. Vous vous trompez, madame, balbutia Camille en rougissant. Je ne me trompe pas, tenez, on vient vous voir en voiture. » Un fiacre, en effet, s'arrêtait devant la palissade qui formait l'entrée de la cour, et à la portière apparaissait une figure que mademoiselle Monistrol reconnut parfaitement, et qui disparut aussitôt. « Nous gênerions ce monsieur, reprit madame Gémozac. Viens, mon fils, nous n'avons plus rien à faire ici. » Julien, cette fois, suivit sa mère sans dire un mot, et Camille, humiliée, les vit remonter dans le coupé qui les avait amenés. Le visiteur, qui les mettait en fuite, avait baissé vivement le store, et se cachait au fond de la voiture. « C'est lui, murmura Camille, il craint de me déplaire en se montrant. Enfin, je retrouve un défenseur plus sérieux que ce brave jeune homme, qui prétend m'aimer, et qui en est encore à compter sur la police pour arrêter Zigzag. » Le coupé de madame Gémozac fila rapidement, et Camille crut voir que Julien se penchait à la portière, pour tâcher de dévisager l'homme qui se dissimulait dans le fiacre. Elle eut un remords d'avoir chagriné le fils et irrité la mère, alors qu'elle aurait pu, sans rougir, leur nommer ce visiteur, et même le leur présenter. Mais pour leur expliquer sa visite, il aurait fallu leur raconter les événements de la nuit, et elle sentait que ce récit serait pris en mauvaise part. D'ailleurs, elle jugeait au moins inutile de leur parler d'une expédition qui n'avait eu jusqu'à présent d'autre résultat que de porter malheur à un homme et à un enfant. Du reste, elle était tout à la joie de voir arriver son sauveur. Il lui apportait peut-être des nouvelles des amis disparus, et elle avait tant de choses à lui dire. Il attendit pour se montrer que le coupé fut loin, et quand il descendit, mademoiselle Monistrol avait déjà fait la moitié du chemin. Il l'aborda, le chapeau à la main, et elle put apprécier ses avantages physiques, mieux qu'elle ne l'avait fait à la clarté d'un bec de gaz de l'avenue de Clichy. Il lui parut encore plus charmant. Sa physionomie, naturellement sympathique, avait pris une expression affectueuse et grave. Il souriait à peine, et ses yeux cherchaient à lire dans la pensée de la jeune fille qui le regardait sans baisser les siens. « Excusez-moi d'avoir tant tardé, mademoiselle, dit-il doucement. Je ne suis pas venu ce matin, de peur de troubler votre sommeil. Vous deviez avoir grand besoin de repos. » « Et je crains d'être encore arrivé trop tôt, car je vous ai dérangé, vous n'étiez pas seul. J'étais avec madame Gémozac et son fils. Mon père, quand il est mort, venait de s'associer avec monsieur Gémozac pour exploiter un procédé dont il était l'inventeur, et le jeune homme que vous avez aperçu en arrivant m'est venu en aide le soir du crime. Mais je vous parle de choses que vous ignorez, car cette nuit je n'ai pas pu vous raconter mon histoire. Vous m'avez dit seulement que vous poursuiviez l'assassin de votre père. Elle est simple et courte, mon histoire. » Un misérable s'est introduit un soir dans notre maison. Il s'est jeté sur mon père, il l'a étranglé, et il a pris la fuite. Je l'ai poursuivi jusqu'à la place du trône, où je l'ai vu se glisser dans une baraque de saltimbanque. J'y suis entré, j'ai voulu le faire arrêter. Personne ne m'a écouté, et peu s'en est fallu qu'on ne m'arrêtât moi-même. Monsieur Julien Gémozac se trouvait là par hasard. Et il m'a protégé sans me connaître. Mais quand je suis rentré ici avec lui, j'ai trouvé mon père mort. « C'est affreux. Comment n'avez-vous pas dénoncé l'assassin ? Je suis resté plusieurs jours entre la vie et la mort. Quand j'ai pu agir, il était trop tard. On avait interrogé un clown que j'avais signalé, et on l'avait relâché. C'est hier seulement que j'ai pu retrouver sa trace, et vous savez comment a fini le voyage que j'ai entrepris. sur les indications des deux personnes qui vous accompagnaient, je suppose. Oui, un homme qui faisait partie de la troupe de ce zigzag. Quel singulier nom! L'assassin en a un autre, mais je ne connais encore que son nom de guerre. Le misérable s'est sauvé avec la femme d'un de ses camarades, celle qui m'a renseigné. Ce pauvre homme a un fils de 12 ans que nous avons emmené avec nous et qui a disparu comme son père. Mais pardonnez-moi, monsieur, je ne songe pas à vous prier d'entrer chez moi. » Elle se dirigea vers la maisonnette, monsieur de Ménestrol l'accompagna et il trouvèrent à la porte Brigitte, qui s'étonnait de l'absence prolongée de mademoiselle Monistrol et qui resta tout ébahie en la voyant revenir avec un beau monsieur. La brave femme aurait pu s'étonner aussi que sa jeune maîtresse consentît à mener ce monsieur dans le salon, où elle venait de refuser d'admettre madame Gémozac. Mais elle n'avait pas assisté à l'entretien de Camille avec la mère et le fils, et d'ailleurs elle n'entendait rien aux nuances de la politesse. Camille conduisit tout droit son défenseur au premier étage et lui fit traverser la salle à manger, où elle ne mangeait plus depuis le crime. « C'est là que l'assassin s'est caché, dit-elle. « Comment s'y était-il pris pour y pénétrer ?» demanda monsieur de Ménestrol. Votre domestique n'avait donc pas fermé la porte de la maison ?»« Nous n'avions pas de domestique. Celle que vous venez de voir n'est ici que depuis peu de jours. Mon père ne songeait guère à se garder. Nous ne possédions rien qui pût tenter un voleur. Malheureusement, nous avions reçu ce jour-là 20 000 francs de monsieur Gémozac. » Comment l'assassin l'a-t-il su ? Je l'ignore, mais il est certain qu'il le savait. Et voici comment l'horrible scène s'est passée. Mon père était assis devant cette table. Il achevait un dessin qu'il devait remettre à son associé. Moi, j'étais ici, et je travaillais à l'aiguille. À la place où vous êtes, les rideaux étaient fermés, comme ils le sont encore. Tout à coup, entre les deux portières, j'ai vu passer une main qui les écartait. Comme ceci, dit monsieur de Ménestrol en se reculant un peu. En même temps, il se dégantait, et de sa main nue, il soulevait le rideau, une main blanche et fine, une main aristocratique, avec des doigts effilés et des ongles taillés en amande, juste le contraire de ce pouce crochu, terminé par une griffe, que Camille avait revu plus d'une fois dans ses rêves. « Oui, murmura mademoiselle Monistrol, c'est là qu'elle était, et c'est tout ce que l'assassin m'a montré de sa personne. Quoi, vous ne connaissez pas son visage ?»« Non, en se jetant sur mon père, il a renversé la lampe. Elle s'est éteinte et... Alors, comment espérez-vous le retrouver ?»« Il a des mains de gorille. Elle me suffira de les voir pour dire « c'est lui », sans me tromper. » En effet, voilà une particularité qui pourra nous aider, si nous parvenons à le rencontrer. Vous en doutez donc ? Je crains que l'expédition de cette nuit ne l'ait décidé à décamper, si tant est que ce soit lui qui occupa la maison en ruine dont vous m'avez parlé. N'importe, mes amis y sont restés. Je ne les y laisserai pas. Je viens vous chercher pour vous y conduire. J'y serais bien allé seul, mais je ne sais au juste où est situé ce coupe-gorge. Vous me le montrerez et nous aviserons. Merci, je n'attendais pas moins de vous. Je suis prête à vous suivre. Le fiacre qui m'a amené ici nous transportera à la porte de Saint-Ouen. Une fois là, nous continuerons à pied, et c'est vous, mademoiselle, qui m'indiquerez le chemin. Le chemin, répéta Camille. Oui, j'espère que je le reconnaîtrai. Et cependant, hier, je ne suis pas passé par la porte de Saint-Ouen. N'importe, mademoiselle, dit Georges de Ménestrol, je me charge de vous conduire à l'endroit où je vous ai rencontré. Quand nous y serons, vous me signalerez la maison. Elle ne doit pas être très loin de là. À quelques centaines de pas, tout au plus. Alors, ce sera facile. Et je suis heureux de constater que vous avez confiance en moi, puisque vous voulez bien m'accepter comme compagnon de voyage. Oh, de grand cœur! Que pourrais-je craindre de vous, qui m'avez sauvé? Rien, assurément. Et si vous pensez que personne n'y trouvera à redire, qui donc pourrait me blâmer? Depuis que j'ai perdu mon père, je suis seul au monde, et nul n'a le droit de contrôler mes actions. Quoi, vous n'avez pas même un tuteur? Non, si j'en avais un, ce serait M. Gémozac, le commanditaire, et l'associé de mon pauvre père. Mais à quoi bon le faire nommer? Il est mon tuteur de fait, puisqu'il a entre les mains tout ce que je possède. C'est lui qui encaissera l'argent que produira le brevet d'invention dont j'ai hérité. C'est lui qui administrera mon revenu. Raison de plus pour vous mettre en règle avec la loi. Vous n'êtes pas majeur, et il faut de toute nécessité qu'on vous nomme un tuteur ou qu'on vous émancipe. Mais pardonnez-moi, mademoiselle, de me mêler ainsi de vos affaires. L'intérêt que je vous porte est ma seule excuse. Et puis, j'ai l'expérience qui vous manque. Et si elle peut vous être utile, je serai tout à votre disposition, en toutes circonstances. Pour le moment, il ne s'agit que de nous mettre en campagne, et je vous demande la permission de préciser l'objet de notre expédition. Vous vous proposez d'abord de retrouver ce clown que vous accusez et qui porte un surnom bizarre. Zigzag, c'est l'assassin, j'en suis sûr. Je le crois, puisque vous le dites, mais je doute fort qu'il nous attende dans la maison, où vous avez inutilement essayé de le surprendre cette nuit. La tentative que vous avez faite a dû le mettre en défiance, et il se sera empressé de changer de domicile. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il aura laissé des traces de son passage dans cette masure, des indices que nous utiliserons pour continuer la poursuite. « C'est cela, » murmura Camille, qui n'espérait guère mieux. « Mais, reprit Monsieur de Ménestrault, vous vous proposez aussi de retrouver vos deux auxiliaires, que vous avez été forcés d'abandonner sous peine de partager leur sort. « Oui, monsieur, eux surtout. Ils se sont sacrifiés pour moi, et j'ai déjà beaucoup trop tardé à les secourir. Vous n'avez pas à regretter le temps perdu, car de deux choses l'une, ou ce bandit les a enfermés dans la cave où ils sont tombés, m'avez-vous dit, et dans ce cas nous les délivrerons, car ils doivent y être encore. On ne meurt pas de faim en 18 heures. Ou ils sont morts, soit que Zigzag les ait assassinés, soit que la chute terrible qu'ils ont faite les ait tués. Et je ne vous le cache pas, cette dernière hypothèse est probablement la vraie. Ils ont dû tout au moins se blesser en tombant. S'ils ne sont que blessés, nous pourrons les retirer de ce caveau, et les ramener chez vous, sans mettre qui que ce soit dans la confidence de cette étrange aventure. Mais s'ils sont morts sur le coup, laisserons-nous là leurs cadavres? Non, certes, ce serait odieux. Il faudra donc alors faire une déclaration au commissaire de police, lui raconter de point en point votre expédition nocturne, lui expliquer comment vous êtes entré en relation avec ces gens-là, qui étaient des saltimbanques, camarades de l'assassin. Il se peut qu'on doute de la vérité de ce récit, et si on y croit, la justice s'emparera de l'affaire. Vous serez mise de côté, et vous ne pourrez plus poursuivre vos recherches. Il m'en coûterait d'y renoncer. Il m'en coûterait aussi d'être accusé de mensonge. Mais je souffrirais tout, plutôt que de laisser sans sépulture le corps de mes malheureux amis. « Je vous approuve, mademoiselle, » dit chaleureusement M. de Ménestrault, « et quoi qu'il advienne, je serai là pour vous conseiller et pour vous soutenir. »